L'aura est le bien-être spirituel. L'aura, selon la croyance spirituelle, est étroitement liée au bien-être spirituel et émotionnel d'une personne. Une aura équilibrée et vibrante est considérée comme le reflet d'une santé spirituelle positive, tandis qu'une aura affaiblie ou perturbée peut être le signe de blocage énergétique ou d'émotions non résolues. Dans cette section, nous explorerons comment travailler sur l'aura peut contribuer à améliorer le bien-être spirituel. 1. Équilibrer les centres d'énergie. Selon les enseignements spirituels, l'aura est étroitement liée aux centres d'énergie du corps, également appelés chakras. Ces centres d'énergie sont associés à des aspects spécifiques de la vie émotionnelle et spirituelle. Travailler sur l'aura implique souvent d'équilibrer ces chakras pour assurer une circulation fluide de l'énergie dans le corps. Des techniques telles que la méditation, le yoga, les cristaux, et la pratique de la pleine conscience peuvent aider à ouvrir et à équilibrer ces centres d'énergie, contribuant ainsi à une aura énergétique plus saine. 2. Libérer les blocages énergétiques. Des expériences émotionnelles négatives, des traumatismes passés ou des schémas de pensée limitants peuvent créer des blocages énergétiques dans l'aura. Ces blocages peuvent entraîner des perturbations dans la circulation de l'énergie et affecter le bien-être spirituel. Travailler sur l'aura implique souvent de libérer ces blocages énergétiques en faisant face aux émotions refoulées, en pratiquant le pardon envers soi-même et les autres, et en adoptant des pratiques de guérison émotionnelle. 3. Purifier et protéger l'aura. Comme l'aura est sensible aux énergies environnantes, il est essentiel de la purifier régulièrement pour éliminer toute énergie négative accumulée. Des rituels de purification, tels que l'utilisation de sauges ou de cristaux purificateurs, peuvent être utilisés pour dégager l'aura des énergies indésirables. De même, il est important de mettre en place des techniques de protection pour préserver l'aura des influences négatives externes. La visualisation de boucliers de protection ou le port de cristaux protecteurs peuvent aider à maintenir l'intégrité de l'aura. 4. Cultiver des émotions positives. Les émotions positives et les pensées optimistes peuvent contribuer à renforcer l'aura et à promouvoir un bien-être spirituel harmonieux. La pratique de la gratitude, de l'amour inconditionnel envers soi-même et les autres, et la focalisation sur des intentions positives peuvent aider à élever le niveau vibratoire de l'aura. En cultivant des émotions positives, on nourrit une aura rayonnante et bienveillante. 5. Se connecter à la nature. La nature a un effet bénéfique sur l'aura et le bien-être spirituel. Passer du temps en plein air, se promener dans la nature, méditer près des éléments naturels tels que les arbres, les rivières et les montagnes, peut revitaliser et énergiser l'aura. La nature a un pouvoir de guérison qui peut aider à équilibrer et à restaurer l'aura. 6. Pratiquer l'autocompassion. Se traiter avec compassion et bienveillance est essentiel pour entretenir une aura saine et un bien-être spirituel positif. Être doux envers soi-même, se pardonner ses erreurs et ses imperfections, et cultiver une relation aimante avec soi-même contribue à une aura empreinte d'amour et de compassion. En résumé, l'aura est étroitement liée au bien-être spirituel et émotionnel, et travailler sur l'aura peut aider à améliorer ces aspects de la vie. En équilibrant les centres d'énergie, en libérant les blocages énergétiques, en purifiant et protégeant l'aura, en cultivant des émotions positives, en se connectant à la nature et en pratiquant l'autocompassion, on peut favoriser une aura vibrante et rayonnante qui contribue au bien-être global de l'individu. La compréhension et l'exploration de l'aura offrent ainsi un chemin vers une connexion plus profonde avec soi-même et avec l'univers spirituel qui nous entoure. Page 46, 1, nous allons étudier les 7 couches qui composent l'aura physique. Page 46, 1.